À la main, garde à vous soldats, toi et moi, avons pénétré dans la zone rouge et ça brûle les doigts. Pas de ça, pas de cadeau, pas de combat, pas de place pour les rabat-joie. Le secteur va te fermer sous cadenas, la 3 zone, tu restes ou tu t'en vas. Si tu restes, participe, ne t'endors pas, t'as pas le choix. Ultra magnétiques sont les sons et les voix. Nos ultra qui sont toi comme des caméras. Capturés, vous êtes nos proies, voués à des travaux d'intérêt FPK. Faut un coup enclenché, c'est danger, danger. Lève la main, lève les pieds, faut du stop, t'es chopé, chopé par la sécurité. Emballé dans un filet et jeté, jeté. Warning, warning, sous la dictature de la passion, vous êtes manipulés. Si j'en bois un verre, la gueule, c'est l'usine à perpétuité pour perpétrer les crimes du plaisir et du partage. On vient se livrer, envoyer les gyrophares, c'est. Vas-y viens, vas-y bouge, pour tout cueillir ta fourche, elle va y acquérir. Seuls les plus forts survivent, la de nouvelle garde, tout ce monde est réel. Vas-y viens, vas-y bouge, pour tout cueillir ta fourche, elle va y acquérir. Vas-y viens dans mon monde, c'est un monde de violence, on appelle ça la zone rouge. Pente le terrain à la recherche d'adversaires, mais y'a rien à refaire, je me sens seul en affaire. Non, tous aux abris car ça est qu'elle est vénère. Pour les détracteurs, je crois que le message est clair. De plus en plus sombre car blessé dans ma chair. Ma défense est l'attaque, j'assure mes arrières et j'attache d'importance à toute cette atmosphère. Je survole le débat, je contrôle les ébats. Alors viens dans ma zone, c'est beau, c'est sale. On appelle ça le chaos, c'est un monde bestial. J'arrête de me la jouer à chaque fois, c'est pareil car là c'est la histo, c'est pas Paris-Marseille. La province va se lâcher, trop de talent gâché, trop de carrière gâchée, moi j'emmerde le marché. Aucun mot n'est mâché, mon image est tachée. Les enceintes sont branchées, ça va clash, clash, clasher. En direct de l'usine, ça frappe, ça surine. Tu veux que je soigne ta déprime, tais-toi, je m'exprime. Mon secret, le travail, y'a que le taf qui paie. Je compte plus les nuits blanches pour atteindre les sommets. Vas-y viens, vas-y bouge, pour tout que vite en bouche, elle va y acquérir bien. Seuls les plus forts sont vifs, la de nouvelle garde, tout ce monde est réel. Vas-y viens, vas-y bouge, pour tout que vite en bouche, elle va y acquérir bien. Dans cette zone, on brûle des gamines aspergées à l'alcool. Récupère les braises, ravive la flamme pour s'en prendre aux écoles. Car mental et la guerre, trop à vif sont les nerfs. Les ventres vides, des guns du revolver. Les petites viennent amères, les bandes ont leur terre-terre. La voie de garage et leur carrière. L'onde rouge et la couleur de l'atmosphère. Cette fois ça s'en souffle car la rue se réveille. Tous les ours sont sortis, là commence l'incendie. Ça brûle plus qu'une chatrice, devant une gueule de bad boy. Ils t'ont chopé à 4 dans une cave, pas de bol. Car ce monde est violent et le reste a toujours. Long time qu'on a franchi le point de non-retour. Y'a des flics de partout. Alors les jeunes les occupent. Les gangsters sont mineurs donc la loi les disculpe. Vas-y viens, vas-y bouge, prends ton gueule, il t'en bouge, elle va y acquérir bien. Seuls les plus forts sont vifs, la de nouvelle garde, tout ce monde est réel. Vas-y viens, vas-y bouge, prends ton gueule, il t'en bouge, elle va y acquérir bien.